Camarade gamer, c'est Creepers. Camarade mélomane, c'est Rhône. Et bienvenue dans la Beatsbox. Depuis le début, on a parlé de beaucoup de choses sur la Beatsbox. On a parlé il n'y a pas longtemps de jeux de pirates, on a parlé de jeux indés, mais il y a un sujet qu'on avait toujours évité jusque-là. C'est le sujet des bons gros jeux, des AAA que jusqu'à présent on saupoudre tranquillement dans les émissions. Là, ça va être le sujet du jour. C'est les jeux que vous achetez par camion, donc vous allez être des milliers à écouter cette émission, n'est-ce pas Creepers ? Oui, clairement, parce que là, on vous a fait une sélection assez éclectique, mine de rien, quand même. Donc, ça ne sera pas que du gros bourrinage, même si, et on va commencer d'ailleurs avec le roi du bourrinage assez rapidement. Mais voilà, c'est des musiques vraiment assez massives qu'on peut même comparer maintenant à des musiques de cinéma. Donc, j'espère que vous êtes prêts à en prendre non seulement plein les yeux, mais surtout plein les oreilles. Alors nous avons entendu un morceau tiré du nouveau jeu dont il est interdit de dire du mal sans se faire insulter par une horde de fans. Oui, nous avons écouté donc The Dragon tiré de God of War, le jeu 20 sur 20, 10 sur 10 qu'on a pu voir un peu sur la terre entière. Alors, 50 sur 50 et même 100%. Exactement, on était même pas loin du 21 sur 20, vraiment juste comme ça pour faire parler les gens. Alors ça a relancé bizarrement le débat des notes, alors que s'il n'y avait pas eu de notes, je pense que tout le monde n'aurait rien eu à secouer. Ils auraient lu le test, et si le jeu est très bon, c'est juste une note, ne l'oubliez pas. Ça représente juste comme ça un avis. Enfin voilà, sur Xbox Oxygène, de toute façon il n'y a plus de notes et c'est très bien d'avoir décidé ça il y a quelques temps maintenant. Bravo à eux, quelle équipe incroyable, ils prennent des risques, ils prennent des décisions et ils les assument parfaitement. Des vrais journalistes, voilà, d'investigateurs, incroyable. Voilà, God of War qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui fait un carton monumental. Donc le but n'est pas ici de remettre en cause le jeu, attention, ne venez pas me menacer directement chez moi. Je n'ai pas encore pu commencer le jeu, la seule chose que je peux dire, c'est que dès le début il y a une référence à Commando. Voilà, vous m'avez vu venir à des kilomètres. Mais voilà, donc je dis bravo à l'équipe de Santa Monica pour avoir osé bien mettre en avant le fait que Kratos n'est rien à côté de John Matrix. Voilà, et attends, je me prépare pour les torrents de boue, et quand tu vas y jouer, accroche-toi, les trois premières heures, c'est celles que j'ai faites, sont un petit peu chiantes. Aïe, monsieur, tu aimes prendre des coups. C'est ça. J'aime prendre des risques, prendre des risques, mais on s'emmerde un petit peu quand même. C'est pas du tout logique avec les précédents jeux. C'est vrai qu'on avait commencé par plein la gueule. Moi, je me rappelle du 1, du 2, du 3 qui commençait quand même sur les chapeaux de roue. Surtout le 2. Le 2 est magnifique. Ouais. Ça reste pour moi, pour l'instant, le chef-d'œuvre de la série, parce que je n'ai pas encore touché donc, à ce nouveau God of War. Ce qui est intéressant quand même, on peut le mettre en avant, c'est qu'il y a une volonté quand même de faire autre chose. Donc après 3 épisodes, même 4, puisqu'il y avait eu justement Ascension, je crois, le 4. Qui n'est pas vraiment le quatrième du coup, qui était assez moyen, c'était beaucoup de redites. Donc là, il tente un peu autre chose, un petit peu inspiré, semblerait, des Dark Souls, etc. pour des combats. C'est surtout inspiré de tout ce qui se fait maintenant. C'est l'espèce de monde ouvert avec un hub. En fait, oulala, je vais encore deuxième tour en boucle, je vais me ramasser. Tu cherches la merde quand même. Ouais. On est sur un jeu qui est ultra beau, qui est plein de qualités, mais qui s'est banalisé en fait, qui fait un petit peu la même chose que... Qui a perdu un peu son âme peut-être. Voilà. Parce que c'est vrai que ce que j'aimais bien, c'était le côté massif de Kratos, le côté violent. On avait mis un petit peu de crainte à l'époque de l'E3, donc après à vérifier par rapport à la liaison avec son fils. C'est un peu une prise de risque de faire quelque chose qui se veut autorisant dans un jeu de bourrin. Non mais c'est vrai, ils ont tenté quelque chose. Je ne referai pas de commentaires en plus, j'ai déjà pris deux tours en double. Donc moi j'ai quand même hâte de le faire pour voir un petit peu où est-ce qu'ils essayent d'aller, parce que c'est pas évident de faire du God of War avec une relation père-fils. Voilà, où est-ce que va aller Kratos avec son fils, j'ai quand même hâte de le faire. Donc voilà, le jeu en tout cas cartonne. En magasin j'en ai vendu une tête à chier, c'est un truc de dingue. Donc voilà, gros carton pour God of War. Et en tout cas, chose que j'ai directement mis dans mes oreilles quand le jeu est sorti, c'est l'OST qui est dispo justement sur Spotify. Composé par Big McCreary, et c'est du très très bon boulot. Alors c'est lui, d'habitude, il bosse dans la télévision, donc c'est vraiment pour moi une belle opportunité de bosser sur un jeu comme celui-ci, parce que c'est vrai que les bandes son des God of War ont toujours été assez massives, assez violentes, assez épiques, de toute façon, voilà. Et c'est vrai qu'il arrive à s'approprier l'ambiance du jeu, avec en plus l'influence nordique, qui est carrément revendiquée par les développeurs du jeu. Donc c'est vraiment du très très bon travail, et ce qu'on a écouté, The Dragon, c'est vraiment c'est épique, parce qu'on sent vraiment la montée en puissance et le combat contre un monstre qui je devine assez énorme. Je pense que c'est l'espèce de gros serpent énorme, enfin voilà, comme j'ai pas vu tous les monstres encore, parce que c'est de me garder un petit peu l'esprit frais avant de jouer. Mais voilà, je trouve que la copie est très bonne, et par rapport à ce qu'il avait déjà fait sur des jeux comme Socom ou Defiance, qui était un peu anecdotique, là en tout cas le mec il s'est sorti les doigts, et il s'est dit je bosse sur God of War, il faut quelque chose de dingue, et je pense que le contrat est rempli en tout cas. Allez, on quitte Kratos pour aller vers une version beaucoup plus féminine du blockbuster. Il s'avère que j'ai toujours été très fan des Tomb Raider pour avoir découvert le premier sur ma Saturn et y avoir passé un temps infini. Ce qui fait que j'ai passé aussi beaucoup de temps sur toutes les suites qui étaient de pire en pire, qui étaient vraiment pas très intéressantes, jusqu'à Tomb Raider Underworld, qui lui était très bon mais très sous-estimé, assez étrangement. Et puis, la saga Tomb Raider est revenue, comme ça, avec une espèce de reboot qui a fait son petit effet, malgré de vraies lacunes, notamment une narration catastrophique et puis un vrai problème. Ah, c'était épouvantable. Les persos secondaires étaient cons. Oh là là, ils mouraient, on savait même plus qui c'était. Enfin, c'était assez étonnant. Et pour moi, je pense qu'il y avait aussi un problème d'équilibre dans ce reboot entre l'action qui était trop poussée et une exploration trop limitée. En fait, ça faisait ressembler Tomb Raider à Uncharted. Ce qui est assez étrange puisque Uncharted n'aurait probablement jamais existé sans Tomb Raider. Mais au moins ce galop d'essai a permis de redonner pas mal de souffle aux aventures de Lara et Rise of the Tomb Raider est arrivé en 2015 et moi je trouve que c'est un jeu qui corrige pas mal des défauts du premier. Alors ça en fait pas un chef-d'œuvre de narration, mais au moins ça se tient et c'est correctement fait à ce niveau-là. Et l'équilibre également de l'action, je la trouve beaucoup mieux maîtrisée entre le gunfight pur et l'exploration dans des portions qui sont suffisamment grandes pour qu'on puisse tout de même s'amuser. En tout cas, moi je me suis beaucoup amusé avec ce jeu et c'est même devenu peut-être la série AAA, dont j'attends encore quelque chose, parce que vous allez le voir au gré de l'émission, je ne suis pas un gros amateur de AAA. Tomb Raider fait un peu exception, d'autant plus avec sa version sur Xbox One X que j'ai redémarré, qui est absolument magnifique. Ah, le jeu est très beau, hein. C'est assez fou. Ça fait son effet, les ambiances sont très très bien réussies. Enfin, moi ça me fait voyager, un jeu qui fait voyager, j'ai envie d'être très positif avec lui. Du coup, t'es chaud pour le 3 ? Je suis chaud pour le troisième. Alors ça se trouve, je vais être très déçu, hein, c'est possible, hein, mais j'ai l'impression qu'ils ont pigé un truc avec le deuxième et j'espère qu'ils l'ont gardé pour le troisième. Quoi. Bah, l'idée des Incas, moi je trouve ça bien, en tout cas le côté fin du monde, ça me chauffe pas mal. Je pense qu'il y a un bon petit potentiel pour faire quelque chose de cool. Quoi. Alors sur ce Rise of the Tomb Raider, on doit la musique à Bobby Tauri, qui est habituellement et plus habitué à bosser pour le cinéma, et en particulier, hein, il bosse avec Hans Zimmer, donc autant dire que ça doit être un poète. Mais il s'avère que sur Tomb Raider, sur Rise of the Tomb Raider, son travail fonctionne très bien. Ça donne une dimension ample à l'action et ça souligne surtout l'essence même du titre, c'est l'aventure avant tout, c'est exactement ce qu'on lui demandait, c'est exactement ce qu'on demande au thème principal que j'ai passé, donc j'ai envie de dire bravo Bobby, t'as fait le job. Allez, pour la suite, on va passer maintenant à un jeu qui a bénéficié d'une énorme hype lors de sa présentation en mélangeant action et dinosaures. We'll be right back. Vous avez peut-être reconnu la musique de la cité de Meridian dans Horizon Zero Dawn, une des musiques que je préfère de ce jeu. Et tiens, pour une fois, je vais commencer par parler de la musique. La musique de Horizon Zero Dawn, elle est juste superbe. C'est un très très gros travail qui a été fait par Joris Deman, accompagné de quelques copains qui lui ont filé un coup de main. Jusque-là, ce compositeur, hein, il fonctionnait plutôt dans la musique bien bourrine, puisqu'il a bossé, il bossait déjà chez Guerrilla, et notamment sur les Killzone, on peut pas dire que ce soit des jeux de poètes. Non, pas vraiment. Non. Cette fois-ci, sur ce titre, il garde encore quelques tics zimériens, hein, donc on a pas mal de morceaux qui sont quand même un petit peu bourrins, très axés action, mais ça tombe bien, c'est aussi d'un jeu d'action dont on parle, mais on a une composition qui est plus équilibrée, avec en particulier là, les deux morceaux que j'ai passés, hein, donc, dont celui qui est en train de passer derrière ma voix, qui accompagne la cité de Meridian, qui est la plus belle réussite du jeu Horizon Zero Dawn sans doute, à la fois de jour et de nuit, c'est un classique, mais c'est une musique très dépaysante, très très calme, qui invite au voyage. Très apaisante, je trouve. Et, ouais, c'est ça. Et je trouve que ça nous met un petit peu hors du temps. Il y a... Et bon, allez, autant le dire tout de suite, Horizon Zero Dawn n'est pas un jeu qui m'a beaucoup plu. Je l'ai trouvé finalement banal et décevant au regard de toutes les promesses qu'il a fait, mais je vais mettre quelques bémols dans mon jugement, parce que dans le même temps, je l'ai découvert en même temps que la sortie de Zelda qui a complètement éclipsé Horizon Zero Dawn. Pas évident. Et dans ce Horizon, même si on fait exactement la même chose que dans Assassin's Creed, on se met dans les herbes, on fait enfin bref tout ce qu'on fait sans arrêt dans tous les jeux, il y a des petits moments comme ça qui sont très réussis, qui sont à la limite du touchant dans les compositions de ce qu'on voit, comme cette fameuse cité, et ce qui m'a beaucoup surpris d'un studio comme Guerrilla, que j'avoue ne pas avoir en très haute estime par ailleurs. Allez, je vais repasser la parole à Creepers pour parler cette fois d'un héros surconnu avec une jolie capuche sur la tête. Forcément, parler de AAA sans évoquer la fameuse saga d'Ubisoft Assassin's Creed, bah voilà, ça aurait été quand même passé à côté de quelque chose. Et mine de rien, ça fait partie des licences, un peu comme Tomb Raider à un moment, qui ont été surexploitées. Ouais. Mais vraiment, moi j'en pouvais plus déjà dès le 2 en fait. J'en pouvais déjà plus. Non, bah on est pareil. Dès le deuxième, parce que déjà le premier, même si j'avais bien aimé les promesses, il y avait quand même des grosses lacunes pour moi au niveau du gameplay, c'était très limité. Mais il y avait quand même le côté un petit peu découverte, le côté voyage, le côté monde ouvert. On était un peu au début justement des mondes ouverts et c'était intéressant. L'univers des assassins mélangé avec le monde réel, c'était plutôt intéressant. Le côté grimpette aussi qui faisait voilà, son effet au exactement, départ. Exactement, ouais, le saut de l'ange, etc. Voilà, ça faisait son petit truc. Mais à un moment, à force de faire la même chose mais avec un décor différent, ça commençait un petit peu à les briser, menu. Il y a eu des promesses sur le 3, c'était pas tenu. Le 4 a bien fonctionné parce que on pouvait faire du bateau. Voilà, c'était plutôt cool avec les chansons de pirates et tout. Là, il y a eu, il y a eu celui qui était à Londres, il y a eu celui à Paris où on reculait parce que en termes de gameplay, c'était voilà, on changeait de console, c'était pas évident. Donc du coup, on a fait du recul en termes de gameplay avec des bugs mais à foison. Et là, il y a eu une petite pause, ils se sont dit quand même, voilà, on sent que les gens en ont un peu ras le cul, qu'on va, on va arrêter quand même un petit peu. Et ils reviennent un peu pour moi en état de grâce avec Assassin's Creed Origins, qui est un peu pour moi la quintessence de ce que la série pouvait proposer. C'est-à-dire qu'il y a encore pour moi des choses au niveau du gameplay qui me plaisent pas forcément, surtout au niveau de l'infiltration, même si c'est un petit peu mieux. Voilà, l'assassin, il est quand même un tout petit peu bourrin, sauf que moi je suis un gros bourrin, donc du coup, des fois, c'est pas évident. Mais il y a une... Visuellement, ça a de la gueule, quoi. Visuellement, c'est magnifique. L'univers proposé est vraiment dépaysant et hyper bien exploité. Les missions secondaires sont enfin un petit peu plus intéressantes aussi, voire même plus que la quête principale. Le personnage qu'on incarne est quand même assez charismatique, donc il y a vraiment plein de belles choses. Sur Xbox One X, ça envoie le bois. Voilà, c'est sur PC, Xbox One X, c'est juste ultra magnifique. Il y a des textures de dingue, les animaux, enfin voilà, c'est au niveau de la faune et de la flore, il y a un travail monumental qui a été fait. Donc voilà, on peut vraiment saluer le travail d'Ubi, et je crois qu'on a déjà parlé dans l'émission, mais moi je trouve qu'Ubi, bah, ils sont quand même sur une bonne vibe depuis quelques temps. Ils sont sur une bonne dynamique quand ouais, même. Ouais, il y a des belles propositions, ils ont un petit peu compris aussi comment fonctionnait le marché en proposant des produits qui durent longtemps sans essayer d'arnaquer les gens. Donc ouais, moi, franchement, je salue ce que tente de faire Ubi depuis longtemps. Je pense d'avoir la pression de Vivendi derrière. Vivendi, ça allait pousser justement à faire des trucs un peu mieux pour être tranquille. Mais en tout cas, voilà, moi je dis bravo et Assassin's Creed Origins, pour moi, c'était une belle surprise. Parce que je m'attendais pas à retrouver du plaisir en jouant à un jeu de la saga. Au niveau de la musique, c'est composé par Sarah Schachner, qui est à la base une musicienne, violoniste, pianiste, qui a fini par rencontrer Brian Tyler, qui est aussi un gros bourrin, on peut dire, parce qu'il a bossé sur quelques films, je crois, Fast and Furious, il a bossé sur les Call of Duty aussi, et il a fait voilà, vraiment un gros poète. Il a fait quand même quelques petites partitions sympas sur les jeux Assassin's Creed, et du coup ils se sont rencontrés, elle a commencé à bosser un peu avec lui justement sur Call of Duty Modern Warfare 3 et sur quelques autres jeux, et donc elle a fini par composer la bande originale de Assassin's Creed Origins, la musique qu'on a écoutée s'appelle Bayek of Siwa, et on sent un peu justement le passé de violoniste de la demoiselle, parce que il y a beaucoup de cet instrument dans la composition du jeu. Et ça passe bien, il y a une très bonne ambiance, il y a de belles compos, il y a de beaux thèmes aussi, donc ça accompagne parfaitement l'aventure, et à aucun moment je trouve ça redondant, et au contraire, il y a vraiment plein de petites ambiances différentes. Donc voilà, pari réussi pour moi sur ce jeu. Alors après l'Égypte, on va partir directement dans l'Ouest sauvage. We'll be right back. Rappelle-toi, Ron, on est en 2010, et là débarque Red Dead Redemption. Boom. Mais la quintessence de ce que pouvait faire Rockstar. J'aime bien les GTA, mais je crois que j'ai quasiment jamais terminé un seul des jeux, en fait, parce que c'est trop grand, je me perds, voilà, les ambiances sont folles, mais j'ai jamais réussi à complètement terminer les GTA. Je crois que j'ai peut-être... Ah si, j'ai fini le Vice City. Voilà, c'est mon préféré au niveau de l'ambiance. Je crois que je suis même pas allé au bout de Vice City. Moi, je n'ai fait aucun GTA en entier. Je suis très affirmatif. Mais là, le monde du western qui passe entre la moulinette Rockstar, c'est une magnificence. Tout est maîtrisé pour moi là-dedans. Ça reste une référence autant d'années. Encore maintenant, hein, récemment, il y a eu une mise à jour sur Xbox One X. Et reboom. Mais vraiment, le jeu est lissé, le jeu est fluide, et tu redécouvres pas forcément complètement le jeu, mais en tout cas, pour quelqu'un qui a une Xbox et qui n'a jamais fait le jeu, il peut le taper 10 balles en occasion ou même pas, je crois, ou même le re-télécharger directement sur le store, et tu te relances dans une aventure absolument magnifique. Donc on contrôle John Marston. Il était remonté un peu en prix hein, quand il est tombé rétro-compatible. Forcément. Justement, moi j'avais paumé mon exemplaire, je suis allé le racheter, putain, j'ai dû mettre 15 balles pour remettre la machine sur un jeu de 2010. Ouais. Mais bon, ça les vaut, parce que l'air de rien, alors maintenant d'autant plus avec la One X qui change pas radicalement le jeu, mais qui apporte ce petit peps qui le rend propre, même sur une grande télé, qu'est-ce qui se passe? On se dit, voyons voir à quoi ça ressemble, et puis on relance une sauvegarde, et c'est parti. Et ça a super bien vieilli, quoi. C'est toujours aussi bien écrit. C'est classe, c'est violent, c'est noble, c'est sauvage. John Marston, en plus, voilà, c'est un des meilleurs personnages pour moi de jeux vidéo. C'est clair. Et en termes d'écriture, là, franchement, les frères Hauser, ils ont vraiment apporté quelque chose d'énorme dans cette aventure-là. C'est hyper tragique, en plus, pour ceux qui ont fini le jeu, on va pas non plus dévoiler tout ça, mais il y a un vrai talent d'écriture, il y a une description un petit peu même alors de l'Amérique de l'époque, mais aussi de maintenant, parce que je trouve qu'il y a un bel écho par rapport à ce qui se passe de nos jours, donc c'est un peu l'intelligence des frères Hauser aussi là-dessus. Donc voilà, puis en termes de musique, bah là on a écouté Trigonometry, composé par Bill Elm et Woody Jackson, et là pareil, on est quand même sur quelques petits sons un peu modernes, mais là je trouve que la basse dans ce morceau-là, elle dynamise l'action, c'est hyper bien foutu, c'est entraînant, et il y a tout le long du jeu comme ça des super belles compositions, à la fois contemplatives, quand on se balade tranquillement à cheval, qu'on regarde un coucher de soleil avec des animaux au loin, enfin voilà, et ça commence à se déclencher dès qu'on croise des gangsters, enfin voilà, ce jeu est fou, ce jeu est encore actuel, donc n'hésitez pas à foncer dessus, ça vaut le coup et vous allez faire un sacré beau voyage. Allez, on quitte les jeux Rockstar, et cette fois on part sur une franchise culte avec un épisode qui, moi, m'a laissé un petit peu perplexe. BioShock Infinite fait partie des rares jeux qui, à la fin, te laisse sans voix. Alors oui, il y a des défauts, il y a une logique d'arène qui ne fonctionne pas toujours. Tu me disais, Creepers, et tu as raison, c'est très violent, pas toujours de façon très justifiée. À le début, pourtant, je suis un bourrin, hein, mais j'ai pas trouvé que les premières mises à mort étaient logiques, en fait. Et c'était... En plus, c'est vraiment ultra violent, et on appuie vraiment sur le côté mise à mort, finish move, quoi, presque, tu vois. Je comprends toutes ces critiques, mais à côté de ça, c'est aussi beaucoup d'idées. C'est aussi plein de passages qui sont superbes, et pas mal de sens dans ce qui est montré, du sens qui prend tout son sens, justement, à la fin du jeu, quand on a une compréhension globale sur ce qu'on vient de jouer. Et c'est là où on se rend compte de toute la force de l'écriture de ce jeu, qui est très, très, très malin. Alors, le premier BioShock avait fait un très gros impact, et le BioShock 2, ça ressemblait plus à un DLC de BioShock, mais du coup, ce Infinite était très attendu au tournant, à sa sortie. Alors, c'est ce qui fait qu'il a eu un accueil qui était parfois mitigé, hein. Les remarques que tu as faites, Creepers, on les avait déjà entendues au moment de sa sortie. Cela étant, quand on a un jeu qui est suffisamment bien écrit pour que sur le générique de fin, on se dise « Waouh !» quand même, ça vaut le coup de faire les petits efforts pour aller au-delà des quelques défauts qu'il peut y avoir dans le jeu. Ah, ça m'a fait pareil devant Morphix. Oh merde. Rogue Warrior, à la fin de Rogue Warrior, j'étais bouleversé. Ouais, mais ça marche pas, c'est pas des triple A. Ah merde. J'ai perdu. Alors sur BioShock Infinite, la musique est de Gary Shiman, qui a d'abord travaillé pour la TV, et il a tout mon respect puisqu'il a bossé sur Magnum. Il a bossé pour le ciné avant de se spécialiser dans les jeux vidéo. Alors, c'est lui qui était derrière la zik, notamment de Dante's Inferno, qu'on a déjà passé. Ah, très bon. Voilà, qu'on aime bien tous les deux sur celle-là. Donc, c'est lui déjà qui avait fait ça. Et pour BioShock, comme pour les précédents, on a surtout des musiques qui soulignent l'ambiance. Donc, à écouter en tant qu'OST, c'est pas forcément très intéressant. Par contre, c'est vrai que j'aime bien ce morceau là, que j'ai passé, qui est dédié à Elisabeth, un très beau personnage de ce jeu, qui, en plus d'être agréable à écouter, nous permet un peu de varier les plaisirs dans cette émission. Et pendant que je parle, on a bel et bien un bon petit morceau qui fait très années 20 et qui est la marque de fabrique de BioShock. Voilà, moi j'aime beaucoup cette courte série, et j'avoue que je ne cracherai pas sur un nouvel épisode qui se passerait, je sais pas, sur la Lune par exemple, ou au centre de la Terre. Enfin, je suis sûr qu'il y aurait encore des tas de choses à faire avec la vision à la fois action et politique de BioShock. Pour la suite, je vais passer la musique d'un jeu. Je pense que je vais pas mal le critiquer, et je m'apprête encore une fois à me ramasser des torrents de boue. Thank you. Comme tout le monde, j'ai adoré Final Fantasy VII. Comme un peu moins de monde, j'ai été bien plus mitigé sur le 8. Comme finalement pas mal de monde, j'ai trouvé le 9 sans grand intérêt. Et puis là est arrivé Final Fantasy X, et là, c'était juste plus possible. C'est la première fois que je laissais tomber un FF pour cause d'ennui profond, et je crois que ça aura été mon dernier jeu de la série si on excepte des petits FF Tactics sur Game Boy ou ce genre de choses. Donc autant dire que je ne suis pas très amateur de cet épisode, ni des suivants, que ce soit l'orientation graphique, que ce soit les mécanismes de jeu en tombaient dans une certaine banalité. Voilà, vous pouvez envoyer vos torrents de boue. Je suis prêt à les recevoir. Mais par contre, il y a bien une chose qui est toujours aussi efficace dans cette licence, et ce, quels que soient les épisodes, ce sont les musiques, comme d'habitude, qui sont superbes. Alors, sur cet épisode, ils sont trois à s'être associés. Il y a Junya Nakano, Masashi Amozu et bien entendu Nobuo Uematsu, notre bon vieux copain. Et comme d'habitude, l'OST est absolument splendide, elle est variée et pleine d'émotions. Peut-être que la musique, justement, elle trimballe l'émotion qui n'est pas dans le jeu. Il fallait la trouver sur l'OST. Et j'aime en particulier le morceau que j'ai passé qui s'appelle Silence Before the Storm. C'est un morceau calcique pour me rester en tête, voire même qui, comme ça, surgit sans que je m'y attende dans la journée ou quand je conduis peu importe à quel moment, comme ça, l'air de rien. Et ça, je crois que c'est la marque, finalement, de morceaux de musique qui nous marque franchement. Donc ce titre, il est dans toutes mes playlists. Final Fantasy, j'espère que ça va continuer encore très longtemps, mais juste pour les OST. Pour les menaces et les insultes, je vous donnerai l'adresse de Rhône en MP, n'hésitez pas. Allez, on va continuer dans la polémique avec la sélection ciné de Creepers. Les amis, je suis énervé, je suis pas content, je suis chafouin. On vient d'écouter une musique de Ready Player One, et là je suis crispé sur mon siège. Parce que Ready Player One. Oui, j'aime Ready Player One. Et j'aime beaucoup moins, et c'est de plus en plus rare, parce que j'essaye de me contenir maintenant en essayant de parler des films que j'aime, etc. Mais je ne comprends pas le torrent de merde qu'à chaque fois se prend Spielberg quand il sort un film. Mais à chaque fois, c'est toujours pareil. Il peut sortir n'importe quoi, La Guerre des Mondes, c'est nul, The Post, machin, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il a sorti, Tintin, c'est nul, enfin bref. À un moment, les gars, il y a même maintenant du révisionnisme, ouais, Jurassic Park, c'était pas si bien, t'as les mecs, il y a eu un avant et un après quand même. Ready Player One. On peut pas dire Jurassic Park. Ah mais si, maintenant, tu sais, c'est un peu la mode là sur Twitter, c'est ouais, maintenant que machin ressort, on peut dire que c'est pas bien, on peut dire que ça c'était pas bien, on peut dire que ça c'était pas si bien que ça. C'est vraiment la mode sur le net et je supporte pas ça, cette espèce de révisionniste juste pour faire intéressant. Mais Ready Player One, pour moi, il y a un gros malaise parce que lui s'en est pris plein la tronche. Par contre, vous pouvez sortir 15 milliards de marveleries, au bout du 27e, il y a enfin un personnage intéressant, on va tous se toucher dessus. Je parle bien sûr d'Avengers 3. Là, on accepte absolument tout, du moindre Black Panther qui, soi-disant, est Black Power et machin, c'est la révolution. Les mecs des super-héros noirs, il y en a eu largement avant. Hein. Regardez Blade 2, je sais pas moi. Enfin, bref, on va reparler tout à l'heure d'un film de super-héros, je dirais, qui met l'amende à tout le monde encore maintenant. Mais Ready Player One, justement, nous demande de réfléchir à ce que l'on fait de notre culture. Qu'est-ce qu'on fait du bagage que nous ont apporté justement des films de l'époque. Et quand je vois des trucs passer, du genre « Ah, c'est la moto de Canada », tout le monde bloqué là-dessus, alors que la phrase juste après qui lui demande « Non mais l'important c'est pas la moto, pense à autre chose, l'important c'est pas la marque qu'on te met devant, l'important c'est pas le Faucon Millenium, c'est pas ça l'important, c'est ce que tu vas faire de justement du Faucon Millenium ». Et justement dans le film, il y a un vrai discours sur l'utilisation de la nostalgie. Il y a plein de passages comme ça où on voit justement le Faucon Millenium, on fait chanter le personnage principal, il dit voilà, si tu nous rejoins, on t'offre le Faucon Millenium comme un DLC en fait. Donc c'est... Je n'ai pas compris les gens qui... Il y a deux choses que je n'ai pas compris, c'est les gens qui disaient qu'il y avait trop de références, alors que pour moi elles sont carrément pas appuyées, justement Spielberg fait tout pour qu'on les oublie, et justement qu'on se rende compte à quel point cette utilisation des licences ne sert à rien, et au contraire alourdit complètement les films de maintenant, et les personnes qui disaient qu'ils n'avaient pas assez de temps pour contempler les références. C'est complètement stupide comme réflexion. Bah, est-ce que t'as pas là l'illustration finalement d'un propos du film qu'on comprendra seulement dans 5 ou 10 ans, parce que là, les réactions que tu décris, c'est peut-être les gens qui sont eux-mêmes critiqués par le film et qui n'ont pas le recul nécessaire pour s'en rendre compte. Mais peut-être, je sais pas, mais ça me semble tellement limpide, comme beaucoup de films de Spielberg. Pour moi, Spielberg, il souffre de sa simplicité. Mais quand je dis simplicité, c'est-à-dire que c'est pas un mec qui surligne tout, c'est pas un mec qui te met des couloirs de dialogue pour te faire comprendre des trucs, c'est pour moi, c'est limpide. Et il y a plein de choses dans le film qui te permettent, enfin qui pour moi remettent, qui réfléchit en fait sur la situation du cinéma à l'heure actuelle, ce que faisait justement Pentagon Papers sur le journalisme au début de l'année. Dire c'est un des rares réalisateurs quand même à faire encore des blockbusters où il y a un minimum de réflexion derrière. On n'enchaîne pas des scènes d'action débiles, on n'enchaîne pas des trucs illisibles, il y a un vrai point de vue, ce qui est quand même de plus en plus rare dans le cinéma aussi de maintenant, c'est qu'il y a un véritable point de vue. Et pour moi c'est quelque chose d'important, c'est encore, voilà, pour moi Spielberg, pour moi Ready Player One c'est un très bon film, et je pense qu'il sera revu à la hausse comme beaucoup de films de Spielberg un petit peu plus tard, mais je trouve vraiment dommage de lyncher ce film là, qui justement se moque un petit peu de tout ce qui sort un petit peu à la va-vite tout le temps en ce moment, comme des Deadpool 2, des Avengers 4, des Captain America 37, voilà, pour moi c'était un film important, je trouve que le message de Ready Player One est vraiment très bon, et à partager au plus grand nombre. Mais voilà, je suis énervé contre l'internet qui diffuse n'importe quoi. On se calme, Creepers, on se calme, respire par le nez, et je te propose de passer au titre suivant. Non. Ah, allez, on quitte Ready Player One et on va se bastonner tous ensemble. Ouais. Allez, on va régler tout ça à Street Fighter V, les amis. Ah, Street Fighter V, rappelez-vous, on avait même fait une émission à l'époque spécialement pour la sortie Street Fighter c'est sur vrai. Le baston, et sans diffuser de Street Fighter V. On était très forts. Très très forts. Mais Street Fighter V, ça fait partie des jeux qui ont fait parler de lui hein, aussi. Hein, parler de lui. En tout cas, Street Fighter V, il est sorti pas complètement terminé, avec pas 100% de son contenu. Forcément, ça a gueulé, hein, parce qu'on peut comprendre quand même que quand on paye 70 balles un jeu, bah, on a envie d'avoir quand même le maximum dedans. Donc, un peu plus d'un an plus tard, le jeu est enfin fini. Il y a même eu un vrai test il y a pas longtemps qui est ressorti sur Gamekult pour retester le jeu une fois complètement terminé. Donc c'est un jeu qui avait déjà une bonne base de... En termes de gameplay au début, mais ils ont rajouté quand même pas mal de choses. Et c'est un jeu que j'aime bien, même si moi je suis pas un expert, mais moi je joue à Street Fighter depuis la Super NES, donc j'étais obligé de l'acheter pour pouvoir y jouer un petit peu sur le net ou avec les potes, on a beaucoup fait tourner même au boulot. Donc j'aime beaucoup la dynamique, j'aime bien ce qu'ils ont fait du jeu. Et la musique est chouette aussi, puisqu'on vient d'écouter la musique de Guile, qui était une musique fabuleuse sur Super Nintendo. Et ce que j'apprécie dans ce Street Fighter V, et on avait déjà parlé aussi dans l'émission sur le jeu de baston, c'est que je trouve qu'il manquait un petit peu justement d'identité dans la plupart des jeux de baston au niveau des combats, au niveau des musiques sur les personnages. Et là, l'intelligence, je trouve, c'est... Bon, ils reprennent un thème connu, mais j'ai bien aimé ce qu'ils font, en fait, des différents thèmes. Il y a vraiment des belles surprises, même au niveau des compositions. Et j'aime bien le côté calme de celui de Guile, qui commence à prendre un petit peu en puissance, arrivé vers la moitié. Donc ça m'a beaucoup plu, c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci. Et la musique qu'on entend pendant que je parle, c'est la musique du menu qui est plutôt sympa, que j'attendais énormément à l'époque où je mettais 15 ans à trouver une partie en ligne parce que ça galérait, donc je l'entendais. Ça mettait 3 plombes. Voilà, je l'entendais en boucle, mais voilà, elle était plutôt plaisante, donc ça passait bien. Mais voilà, les thèmes de Ryu ont été refaits, Chun-Li, voilà, ça passe bien, ça passe crème, parce que voilà, c'est quelque chose qu'on a entendu. Certes plus jeune, donc il y a un côté nostalgique, mais ouais. Ils ont vraiment retravaillé tout ça, et ça correspond, comme on garde les mêmes personnages de toute façon, ça correspond à un côté un petit peu plus moderne des persos et de Street Fighter V. En fait. C'est marrant, hein, moi qui ai beaucoup joué à Street Fighter 2 et depuis qui ai vraiment passé la main quoi, au fur et à mesure du temps, ce morceau revu, retravaillé, il n'y a rien à faire, je préfère la simplicité du morceau original. Quoi. C'est vrai ? Ouais, j'ai... Alors, pourtant c'est bien fait, hein. En fait je critique pas du tout, la production elle est très bonne, c'est vraiment très sympa, mais je trouve que la mélodie de Guile, qui en plus est ultra connue, clairement. Je la trouve un petit peu noyée au milieu du morceau, elle est pas assez soulignée. Alors c'est probablement volontaire, hein. Bon c'est peut-être moi qui suis un emmerdeur. Bah, c'est ça que moi j'ai bien aimé, c'est que le début il y a un côté un peu attendu, tu vois, de reprendre directement le thème et de partir sur quelque chose d'ultra connu. Donc j'ai bien aimé le fait de le détourner un petit peu et d'apporter vraiment le thème d'une manière modifiée vers le moitié du morceau. Après, la plupart des morceaux quand même, il y a un peu un côté, moi ce que j'aime pas trop, parce qu'on a tendance à écouter que ça, même sur YouTube, il y a beaucoup de ça, c'est les covers metal, tu sais, ouais, avec ouais, des grosses ouais. grattes, voilà, le moindre truc, on le fait en cover metal, donc ça passe, c'est assez facile à faire, entre guillemets, je suis pas musicien, hein, je suis pas jugé, mais c'est vrai qu'on a souvent des covers metal d'à peu près tous les thèmes connus de jeux vidéo, donc on a un peu l'impression... Les covers, la flûte à bec, c'est moins... C'est, eh ben écoute... j'ai hâte d'en diffuser dans la beatbox. Si tu peux refaire le thème de Guile à la flûte à bec, moi je vote. Hein. T'auras au moins un pouce bleu. Voilà. Bon, je vais le travailler. Ouais. Allez, on s'en va de notre ère moderne pour repartir sur Mega Drive. Forcément, c'est Rhône qui s'en charge. We'll be right back. Bah oui, il n'y a pas de raison. En 1990, il y avait aussi des triple A. Là, effectivement, on est sur Mega Drive, et sur Mega Drive, il y avait des shoot'em up à foison, ça sortait sans arrêt, et parmi les shoot'em up, eh bien, certains étaient beaucoup plus cotés que d'autres, avaient des plus gros budgets, c'était tout simplement des plus gros jeux. Et entre un gros jeu shoot'em up et un petit shoot'em up lambda à petit budget, il y avait une vraie différence sur l'écran, hein, c'est facile, hein, le jeu de luxe, il est toujours ultra spectaculaire, des tas d'effets spéciaux, etc., etc. Là, celui dont je vais vous parler, c'est Thunder Force 3. Un jeu sorti de chez Technosoft, donc hyper impressionnant si vous l'avez joué, forcément vous vous en rappelez, c'était la star du genre en scrolling horizontal et qui avait la particularité d'apporter exactement la bonne dose de difficulté avec un truc que j'aimais bien et qu'on voit plus trop, c'est pouvoir choisir son niveau de difficulté, ce qui te permet de monter au fur et à mesure ton niveau de difficulté et de jouer pendant des heures et des heures même sur un shoot. Celui-ci, c'est un rythme ultra spectaculaire, c'est très très intense et c'est avec des musiques de dingo qui restent dans la tête. Ce qui est très important dans un jeu de shoot, ça a l'air tout bête, mais souvent, on refait souvent le même niveau, en particulier le premier, celui que je viens de passer. Ça, c'est mon cas, ça. Ouais, c'est... Et le... Tout de suite, le problème, c'est que si la musique, elle te plaît pas, bah, n'empêche que tu vas la manger quand même. Donc, il faut mieux que ce soit quelque chose qui fonctionne bien. Dans le cas présent, les musiques elles sont de Tomomi Otani, Naosuke Arai et Toshiharu Yamanishi, les trois qui sont rattachés à Techno, et elles font exactement ce qu'on attend d'elles. Elles sont dynamiques, elles dynamisent encore plus de ce fait une action qui est déjà trépidante, ça rend un jeu excellent, encore meilleur, c'est tout ce qu'on leur demande. Thunder Force 3, c'est de la boulette. Et par le biais de l'émulation ou par tous les moyens que vous voulez, ça reste tout à fait valable, hein, les shoot'em up 16 bits, c'est toujours aussi efficace. Alors pour la suite, je voulais pas fâcher Creepers, hein. Comme j'ai mis un morceau Mega Drive, eh bien, je vais aller faire un petit tour sur Super Nintendo. Si vous avez joué à ce jeu, il est très très probable que vous avez reconnu le morceau 1000 AD qui vient de Chrono Trigger, sorti en 1995 sur Super NES. Et c'était un petit peu le jeu de rôle fantasme, hein, ce Chrono Trigger qui a été conçu par Yuji Horii, qui était rattaché au Dragon Quest, Hironobu Sakaguchi, qui vient plus des Final Fantasy, et avec une association avec Akira Toriyama, hein, qui adore faire Dragon Ball. Peut-être parce qu'ils n'avaient pas d'impératif lié à une licence, en fait ils se sont tous déchirés sur ce jeu, qui est un jeu de rôle ultra créatif venant de chez Square. C'est mon jeu préféré de cette époque. ça nous raconte une histoire qui se déroule entre différentes époques, ce qui donne déjà lieu à des rebondissements qui sont à un même endroit, à un moment différent. Ça nous crée un scénario qui est très riche, qui est structuré, qu'on peut suivre, et surtout qui change de l'habituel jeu de rôle japonais avec toujours le même schéma, qui déjà à cette époque avait tendance à se répéter et à se répéter. Alors à ce moment-là, moi c'était une Mega Drive hein, que j'avais, mais de temps en temps j'empruntais une Super NES, et c'était en grande partie pour ces jeux de rôle, donc j'en ai fait pas mal, donc Chrono Trigger, mais que je n'avais jamais pu finir, et c'est seulement des années après, à vrai dire c'est même il y a quelques années, c'était il y a 4 ou 5 ans seulement que j'ai pu le boucler, et très clairement je crois que c'est mon jeu de rôle préféré sur Super NES, qui en a pourtant beaucoup. Pour moi c'est un vrai chef-d'œuvre ce Chrono Trigger. Qui plus est, il a une bande-son complètement folle, qui est composée par Yasunori Matsuada, pardon, qui avait déjà fait avant, pour se faire la main, la BO de Secret of Mana, qui est aussi très très bonne. Et cette musique, elle a été finalisée par Nobuo Uematsu, encore lui, dont on reconnaît clairement la patte. Et c'est une OST qui fait partie, vous savez, de ces bandes-sons qui viennent de l'époque 16-bit, mais qu'on peut toujours écouter aujourd'hui, sans problème. On oublie tout de suite les limitations techniques de l'époque, on apprécie juste les mélodies qui restent bien en tête. On est à une époque où justement il y avait une vraie recherche du mélodie, des thèmes. Ça reste en tête, c'est agréable, c'est plein d'émotions avec beaucoup de simplicité. Bref, les musiques de Chrono Trigger, c'est comme le jeu, c'est un petit chef-d'œuvre. Après ce petit tour dans le passé, et si on revenait à notre époque actuelle, et c'est là où nous emmène Creepers qui va nous faire voyager dans le temps. De parcours que celui de Cotton Break, n'est-ce pas Ron hein, je pense que oui. Tu avais suivi un petit peu déjà l'annonce en 2013, peut-être beaucoup trop tôt je pense. C'est clair. Parce que la sortie c'était en 2016, hein, c'était pas il y a si longtemps que ça, donc 3 ans avec des vidéos, vous savez comment ça se passe, le jeu est annoncé à l'E3, on le revoit à l'E3 suivant, on le revoit à l'E3 suivant, donc on commence à se dire voilà bon il y a tellement de choses qui se passent en attendant qu'au niveau technologique on n'est plus forcément étonné, même si... À la découverte du jeu, ce qui est étonnant en fait avec Quantum Break, c'est qu'on a l'impression d'avoir un jeu somme toute assez classique techniquement, mais c'est parce qu'on oublie aussi toutes les strates qu'il y a au niveau de l'utilisation du mélange de vos espèces de voyages dans le temps, en fait. Parce que ce qui est intéressant avec le jeu, c'est qu'au niveau des pouvoirs, au niveau de ce qui se passe, on a des déformations, en fait, des niveaux en temps réel. Et mine de rien, ça devait pas être si évident que ça, je pense, au niveau du moteur à rendre, parce qu'il y a vraiment des scènes très spectaculaires, notamment ce qu'avait vu à l'époque, le fameux crash avec le bateau qui touche le pont. Ouais. Et on agit, nous, en temps réel là-dessus, donc ça peut avancer, reculer, et nous, on avance en temps réel dessus, et en même temps, le niveau se fractionne au fur et à mesure, tout doucement, et on peut revenir en arrière grâce à un pouvoir sur quelques trucs. Enfin, ouais, moi, j'ai trouvé vraiment que, techniquement, c'était assez solide, et on avait le droit, du coup, à un jeu assez solide, vraiment, du début à la fin, en termes d'aventure, en termes de système, parce que c'est du cover shooting, donc là-dessus, on n'est pas sur un jeu hyper original, mais il a tenté au moins quelques trucs. Attention, hein, maintenant sur une One X ou sur la version PC, c'est même franchement très joli. Bah c'est pour ça que je l'ai racheté récemment, parce que je l'ai trouvé à 10 balles avec Alan Wake, que j'ai enfin commencé, voilà, parce que t'arrêtais pas de m'engueuler. Ah, bravo. Voilà, donc aussi un jeu développé par Remedy. Et c'est vrai que, alors, en plus, qui a très bien vieilli aussi, hein, parce que franchement, c'est un jeu qui, effectivement, t'as bien fait de me forcer à y jouer, parce que c'est très très bon. Mais Quantum Break, bah forcément, il s'est fait lyncher parce qu'il non seulement il a mis du temps à arriver, en plus, bah, il n'était pas sur la bonne console. Ce qu'il faut quand même dire des fois ce qui est. Hein, Et puis, alors oui, je crois que c'est vraiment une conjonction de choses. Le fait qu'il n'était pas sur la bonne console, c'est une évidence. Mais il y a en plus de ça un phénomène qui est que le jeu n'a peut-être pas répondu aux attentes qu'il avait suscitées. Bah, je pense que ce qui est bien, c'est qu'il ne faut pas forcément répondre aux attentes des fans, mais faire son propre jeu et proposer autre chose, quelque chose de différent. Et c'est vrai que à comparer un jeu qui est un tout petit peu dans le même genre, mais qui était aussi une démo technique, c'était Order, The Order sur PS4, qui a eu beaucoup plus de clémence que des fans, que justement le jeu Quantum Break, qui proposait pour moi quelque chose d'un petit peu plus intéressant, et surtout au niveau des gunfights, quelque chose de plus solide aussi, quelque chose de mieux fait, de plus carré. Mais qui du coup aussi vieillit beaucoup mieux. Aujourd'hui, quand on lance Quantum Break sur une One X, on a un jeu qui techniquement est très solide. Et finalement, on voit quoi ? Bah, on voit effectivement un cover shooter, mais qui intègre suffisamment d'originalité dedans pour faire un jeu pas mal du tout. Moi, je suis plutôt assez bienveillant avec ce titre. Oui, j'ai bien aimé. Hein, j'ai bien aimé le parcourir. Alors, après, l'idée de faire une série télé en même temps et de nous forcer presque à le regarder, voilà, c'est un peu compliqué, surtout que c'est assez platement réalisé. Donc c'est pas, voilà, quand tu veux faire de la série télé, limite j'aurais préféré avoir vraiment tout en temps réel, puisque le moteur est quand même assez bon pour faire des bonnes cinématiques. Donc l'idée de faire une série télé qui est en plus pas forcément proposée autre part, bah voilà, c'est un petit peu casse-bonbon quand t'es en train de jouer, parce qu'au niveau rythme c'est assez violent, franchement, voilà, c'est un peu dommage, mais en tout cas ils ont tenté quelque chose. Donc il y a des vrais acteurs à l'intérieur, hein, Sean Ashmore qu'on a vu dans les X-Men, l'autre, en plus le méchant est très intéressant, ce qui est très rare en plus, je trouve que le méchant était beaucoup plus développé dans le jeu que le héros principal. Donc il y a des bonnes choses dans Quantum Break, si vous avez, alors sur PC il peut se trouver, si vous avez une Xbox il se trouve vraiment pas cher, donc voilà, moi je vous le conseille, c'est un jeu qui est plutôt bien foutu, assez bien écrit sur quelques trucs, et qui vous propose quand même des scènes plutôt spectaculaires, donc n'hésitez pas. Et la musique est faite par Petri Alenko, qui avait aussi travaillé sur Alan Wake, et j'ai découvert qu'il avait fait aussi une BO que j'aime pas du tout, parce que je trouve qu'elle colle pas au jeu, c'est celle de Trial Fusion, avec la super musique Welcome to the Future, ou je sais pas quoi, un truc assez naze. Donc il s'en sort beaucoup mieux, en tout cas sur Quantum Break, qui propose quelque chose d'électro, mais qui colle bien à l'ambiance futuriste technologique du jeu. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais en diffuser, je trouve que ça passe bien, et le morceau qu'on passe en ce moment pendant que je parle est plutôt sympathique aussi. Donc voilà, Quantum Break, plutôt pas mal et pas cher. Allez, on quitte le futur de Quantum Break pour aller vers une autre franchise qui a fait un comeback assez fracassant. We'll be right back. On parlait tout à l'heure d'Ubisoft qui avait quand même des bonnes idées de temps en temps, et ils avaient aussi réussi un beau comeback avec la série Driver, avec cet épisode de San Francisco, alors qui a pris un risque avec une idée assez improbable. Je sais pas si tu te rappelles de l'idée de base de gameplay. Pas du tout. En fait, on peut se téléporter. Ah oui, bah c'est voilà. Effectivement. En fait, notre personnage principal peut passer d'une voiture à l'autre. En fait, ah, avec ça un... me revient. Bah en fait, si j'y ai joué alors. Voilà, avec un flottement. Mm. Et ce qui aurait pu donner quelque chose d'assez con, et bah en fait, rend la chose assez fun, parce que du coup, on peut vraiment jouer avec le monde ouvert, avec le pilotage. C'est-à-dire que des moments, quand tu fais une poursuite, et bah tu peux t'amuser vraiment à switcher vers un camion, vers une voiture plus rapide, vers un truc qui se retrouve en face pour pouvoir bloquer la personne que tu veux arrêter ou avec qui tu fais une course poursuite. Donc il y a vraiment une idée de base qui est assez folle, mais qui fonctionne vraiment et qui rend le jeu hyper fun. Et j'ai vraiment aimé retrouver le feeling de la série Driver, parce que donc moi le 1 à l'époque de la PS1, il a très très vieilli, hein, de toute façon voilà, les jeux 3D de la PS1, c'est assez compliqué de les relancer, mais à l'époque on avait vraiment un feeling avec c'était le côté cool. Aussi réalisateur, on passait à travers les petites ruelles, on voyait les poubelles valser, bah, c'était vraiment chouette, et les poursuites étaient vraiment grisantes. Bah là on retrouve cette conduite là, on retrouve le côté grisant des poursuites avec justement le changement de véhicule fait vraiment que c'est toujours nerveux, il y a toujours quelque chose qui se passe en fait là-dedans. Et en plus l'histoire était assez rigolote parce qu'il y a vraiment un côté buddy movie qui est installé parce qu'on communique beaucoup avec un autre personnage et ça rend le tout hyper efficace, hyper plaisant, hyper fun à jouer. Et donc voilà, Driver qui revient, alors il n'y en a pas eu du coup depuis quelques temps donc je sais pas si le jeu a cartonné plus que ça, mais le fait de revoir la série remise en avant et travailler comme ça, bah moi ça m'a fait plaisir et je me suis vraiment éclaté en jouant à ce jeu. Au niveau de la musique, alors forcément sur des jeux comme celui-ci, maintenant on a les radios, donc voilà, on a des véritables musiques qui passent comme ça et qu'on peut choisir en fonction de ce qu'on va faire dans le jeu, en fonction de ce qu'on aime. Mais ce qui est sympa, bah, c'est la musique du menu, celle qu'on a écoutée et qui est carrément chouette, quoi. Et Rod me disait que bah, c'était même sa préférée de la sélection, en tout cas de ma sélection. Bah c'est facile, hein, j'en ai laissé plus de 3 minutes, hein, j'aurais pu en laisser encore plus. Ce qui est assez rare, parce que généralement mes musiques tu mets 20 secondes. Ah bah tes musiques, ouais, je les mets toujours, je t'en mets beaucoup moins que pour les miennes. C'est la censure, voilà, c'est comme c'est... ça. Donc pour une fois que j'ai bon goût, profitez-en. Mais voilà, il y a un côté funky. Funky et cool en fait qui se dégage de ce morceau-là, et c'est composé par Mark Canham. Alors qui a bossé sur la série aussi Infamous dans le deuxième épisode, sur Far Cry 2 et sur des autres petits jeux, je pense qu'il a débuté sur des jeux comme 24 heures chrono à l'époque sur PS2. Et il a aussi bossé un petit peu au cinéma, notamment sur un film d'horreur qui s'appelle The Final Girl qui est disponible sur Netflix. Et un film qui s'appelle Burn, Burn, Burn, et aussi Pendulum plus récent, mais ça je ne les ai pas vus du tout donc je ne pourrais pas juger de la qualité, mais en tout cas ce morceau est très très chouette. Ouais, on dirait un morceau qui viendrait d'un film de Tarantino. Ouais, il y a un côté un peu, ouais, vraiment le côté funky à la Pulp Fiction, quoi. On aurait pu retrouver ça un petit peu là-dedans, même Reservoir Dog, tu vois, ça passe plutôt bien, mais voilà, moi j'étais étonné de retomber là-dessus en faisant des recherches, que je me dis j'aimerais bien mettre du Driver, et c'est que San Francisco avait des bonnes zics, et bah voilà, on est tombé sur ce qu'il fallait. Allez, on fait crisser les pneus et on s'en va de San Francisco pour discuter d'un grand film, d'un grand réalisateur. Alors Spider-Man, enfin je veux dire, le vrai, celui de Sam Raimi, est un des films qui m'ont provoqué une grosse vague d'émotions dans la salle pendant que je regardais le film. Alors déjà, sur l'écran, c'était le fantasme d'un gosse, quoi. C'est la première fois qu'on voyait Spider-Man, crédible. Et j'ai envie de dire, il reste toujours plus crédible dans ce film que dans d'autres qui ont été faits beaucoup plus tard. Et puis ensuite, c'est Sam Raimi. Donc quand c'est Sam Raimi, on sait qu'on a un réal qui est ici. On sait qu'on a quelqu'un qui sait où il va. On sait qu'on a quelqu'un qui, en plus, est bienveillant envers le spectateur. C'est presque une caractéristique de Sam Raimi, être bienveillant envers le spectateur. Et il y a la toute fin du film de Spider-Man, ce dernier plan, où il se balade entre les buildings, accompagné d'une caméra aérienne qui le suit à la culotte. Ça dure une vingtaine de secondes, et c'est 20 secondes qui m'ont fait rêver et qui m'ont fait attendre Spider-Man 2 avec une impatience totale. Jusqu'à là, je valide tellement. Et c'est 20 secondes, je tiens à le dire quand même, c'est le seul moment où Spider-Man est vraiment entre les buildings dans ce premier film, et ces 20 secondes, je le dis dès maintenant, défoncent ce qu'on peut voir dans un Spider-Man Homecoming ou dans ce genre de conneries. Ensuite, on a Spider-Man 2 qui arrive, et c'est la version de la musique de Spider-Man 2 que j'ai choisi de vous passer, autant être honnête, elle se ressemble énormément avec la première. Tant ce film m'a marqué. Spider-Man 2, c'est un film qui me parle à tout niveau. Il y a tout là-dedans. Les scènes d'action, elles sont complètement folles. Les personnages sont bien écrits, alors avec en particulier, bien sûr, le Docteur Octopus. Un bon méchant dans un film de super-héros ? Ah bon ? Alors donc c'est possible, en fait. C'est incroyable. C'est... Putain. Ils n'ont pas attendu Thanos, c'est incroyable. Et il aurait pu le rater, mais c'est un tellement bon personnage, il est parfait. Sam Raimi se rappelle que c'est un réalisateur de films d'horreur et nous fait une scène terrifiante dans l'hôpital. En première personne, je crois, il y a une violence dans les impacts. C'est terrible, c'est ce qui fait que j'avais un peu oublié cette scène quand mes enfants l'ont vue et que ça m'a venu quelques reproches de madame, qui sont un peu justifiés, j'avoue. Et puis il y a cette scène absolument incroyable, où après une baston démentielle, et je pèse mes mots, entre Docteur Octopus et Spider-Man, Spider-Man, au prix d'un effort surhumain, sauve les passagers d'une rame de métro en tendant sa toile des deux côtés accrochée au building, il manque de s'arracher les bras, il a perdu son masque, et là on a un moment de silence. Tout le monde le fixe, puis un gamin qui lui rend son masque, on comprend sans un mot que jamais personne ne trahira son secret. Et là, je crois que je pleurais en regardant cette scène, tellement c'est beau. Ah, mais la scène du métro, elle défonce 99,8% de tout ce qu'on peut voir en ce moment dans le cinéma d'action, quoi. Enfin, c'est magnifique, quoi. C'est ça. C'est absolument incroyable. Alors, big up à Sam Raimi, hein. C'est absolument fantastique ce qu'il a fait. Et ça fait du bien de temps en temps de relancer Spider-Man 2, même le 3, qu'on peut moins aimer pour des tas de raisons, il y a une baston stupéfiante dans un chantier de construction. Ça fait du bien de relancer ça, de revoir ça maintenant, pour se rappeler quand on regarde un film Marvel que parfois on se fout un peu de notre gueule. Qu'avec un vrai réalisateur, et quand on creuse un petit peu ces personnages, quand on cherche à les écrire, on peut ne pas se contenter d'un film fait pour des enfants de 12 ans. Voilà. Amen. C'était mon message du jour. Alors, j'ai donc sélectionné ce morceau pas seulement pour balancer cette diatribe sur les films de super-héros, hein. C'est aussi parce que j'adore ce morceau, même si je dois avouer que je ne suis pas un fan inconditionnel de Danny Elfman. Moi, j'ai tendance à penser que souvent, il travaille avec des thèmes très puissants qui sont sa marque de fabrique, mais que sur des BO complètes, je le trouve un petit peu feignant. Voilà, c'est mon avis, hein. Chacun ses goûts, j'ai envie de dire. Mais en attendant, cette musique précisément, elle fait tout ce qu'on attend d'une musique de super-héros. C'est immédiatement, il y a le trademark Spider-Man, maintenant ça fait partie de ces quelques musiques, vous savez, où quand on entend deux notes ou trois notes, ça y est, on a toute la musique en tête. Et c'était tellement bon que le tout début a été repris par Marvel pour l'ouverture de tous ses films, quoi, ce qui est évidemment pas un hasard. Voilà, je vais tourner la page Spider-Man 2, je crois que je pourrais en parler des heures, mais je vais me pondérer. Et je reviens pour le coup à quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre, j'ai envie de dire, sur la sélection jeux vidéo, sur un titre de lancement d'une console qui a été une déception incroyable. We'll be right back. Alors, je ne sais pas vous, mais pour moi, la sortie de la PS3, ça a été une sacrée déception, surtout qu'elle déception à la hauteur des attentes provoquées. Il y avait pas mal de jeux qui étaient montrés et qui avaient beaucoup de potentiel. Dans ces jeux, il y avait Heavenly Sword, bon, celui-là, il m'ennuyait immédiatement. Mais surtout, il y avait l'air. Imaginez, on a été abreuvé de screens magnifiques, de trailers blindés d'action avec un mec qui assis sur le dos d'un dragon, un dragon qui enflamme des villages, enfin le vrai fantasme quoi, le jeu dont on rêve, le jeu où on se dit ça y est, on a une machine super puissante qui va faire tourner ça, ça va être absolument génial. Et donc là on lance le jeu et mais qu'est-ce que c'est que cette daube? Alors c'est pas tant qu'il est vilain, c'est surtout que c'était un jeu qui était doté d'un gameplay absolument catastrophique. Alors en un mot commençant, l'air c'était nul. Je crois qu'il n'y a absolument rien à sauver de ce titre. Si ça se trouve, j'exagère, j'en sais rien, mais c'est non, un non, jeu. Non, non, ça non, provoquait une telle pas. Envie ce jeu que quand tu le lançais, tu te disais mais c'est pas possible. Bah, ils ont eu la mauvaise idée de la rendre compatible avec. T'étais obligé de jouer au 6 à 6 de mémoire. Après ils ont fait une mise à jour où tu pouvais jouer avec les contrôles classiques. Mais rien que le fait de jouer avec le 6 à 6 à l'époque du motion gaming, etc., c'était complètement stupide. Alors donc, on a un jeu qui était, bon, qui était nul, hein, on peut le dire, mais par contre, il y a un truc qui m'avait tout de suite interpellé, c'est sa musique qui m'avait bien plu. Et effectivement, à l'écoute, il s'avère qu'elle est pas mal du tout. Alors c'est l'œuvre de John Debnick, un solide artisan du cinéma, hein, qui lui semblait vraiment croire au jeu. Alors peut-être qu'il n'y avait pas joué en fait, qu'on lui avait juste expliqué le concept. Et du coup il s'est appliqué à balancer une très belle BO, et si seulement tout le monde avait pris modèle sur lui, bah, je crois qu'on aurait eu un vrai hit avec Solaire au lieu de la bonne daubasse que c'est. On disait pour Quantum Break, hein, on peut trouver des jeux pas chers, alors l'air on peut le trouver pas cher, mais le faites pas. Non, même si on vous le donne, hein, vous non, cassez. Non, il faut pas. On continue d'avancer dans l'émission, on s'approche gentiment du bout, et est-ce qu'il était possible de faire cette émission sans parler de ce jeu qui est le symbole même du triple A ? C'est un peu l'émission sur les comebacks, j'ai envie de dire, en fait. Parce que en retournant la Seconde Guerre mondiale, Activision l'a un peu joué safe quand même. Hein, parce que vu la contre-performance de Infinite Warfare, bah, ça va faire bientôt 2 ans. Moi, je me rappelle, vraiment anecdote Je bosse dans un magasin, à l'époque j'étais pas encore responsable dans la partie jeux vidéo, et on avait reçu une tétrachier de jeux, forcément, Call of Duty, machin, mais peut-être même, on a reçu vraiment beaucoup de jeux. Le magasin ouvre, il y avait 4 personnes. Ok, comment dire, ouais, Call of Duty, bah là, d'un seul coup, rappelez-vous, quand il y avait eu le trailer avec les jetpacks et tout, il y a eu le record de nombre de pouces rouges, des millions, je sais plus combien, donc voilà, Infinite Warfare, bah, les gens n'en voulaient pas, les gens n'en veulent toujours pas, parce que dans les magasins, bah, on vous le propose à 5€, parfois même, on vous l'offre avec un paquet de pommes, je pense, il y a encore plein de magasins qui sont blindés de Infinite Warfare, parce que ce jeu, bah, tout le monde se le retrouve justement dans les réserves, parce que personne ne veut acheter ce truc, qui n'était pas non plus une catastrophe, mais il y avait vraiment une rupture qui s'était faite avec les fans de Call of Duty. Voilà, il y en avait marre d'aller vers le futur, il y en avait marre des batailles dans l'espace, tout le monde s'en cognait un petit peu, et là, les mecs, ils nous font forcément du coup un retour à la Seconde Guerre mondiale, voilà, donc on a un World War II, qui semble, parce que moi je n'y ai pas joué, parce que j'ai un petit peu rompu avec la saga depuis quelques années maintenant, et qui semble être revenu à quelque chose d'assez solide, d'assez bien foutu, plutôt bien écrit, même si je mets toujours des réserves. Ouais, faut se méfier un peu. Voilà, il suffit qu'on mette un petit soldat qui pleure devant des morts pour dire que c'est quelque chose d'engagé avec les soldats et tout, donc on nous refait un peu le coup des débarquements, voilà, donc c'est un peu du déjà vu, mais en tout cas, ça a l'air spectaculaire, les fans sont contents, donc le jeu s'est de nouveau vendu, donc je pense que les actionnaires chez Activision sont contents. Est-ce que le jeu vidéo en est sorti plus grandi ? Voilà, ça c'est à vous d'en juger, parce que j'ai pas fait le jeu, mais ça commence un petit peu à tourner en rond quand même depuis très très longtemps, et je me demande jusqu'à quand ça va continuer. Hein. Bah ouais, quand on sait plus quoi faire, rien de tel que les nazis, hein, Ouais. Y a pas à dire, l'efficacité allemande, hein, c'est quand même quelque chose. Ouais, la valeur sûre de la Seconde Guerre mondiale, là on verra cette année, je crois que c'est Black Ops 4, 5, 6, 7, je ne sais plus où on en est. Donc voilà, c'est des séries, honnêtement, c'est compliqué, je trouve, de continuer comme ça tous les ans, de sortir des Call of Duty, parce que le multi, en plus, vise l'e-sport, et c'est plus forcément quelque chose d'aussi rassembleur qu'avant, enfin, moi, j'ai l'impression, en tout cas. Et c'est même étonnant qu'ils aient pas annoncé un Battle Royale, mais à mon avis, ça va venir, donc je pense qu'ils vont suivre un petit peu tout ça, et à l'époque où Call of Duty avait lancé une mode, là, maintenant, bah, ils sont passés aussi en mode suiveur, ce qui est assez compliqué dans ces cas-là. Donc on va voir ce que ça va donner, mais en tout cas, voilà, moi, je regarde ça vraiment de loin, mais, parce que comme j'ai quand même recherché du Call of Duty pour l'émission, et ben je trouve que la musique est quand même plutôt pas mal. Ouais. Et c'est Wilbert Rodger II qui a composé ça. Alors, je crois que c'est un assez jeune homme, j'ai pas trouvé son âge. Il a bossé d'abord sur des jeux chez LucasArts pour faire quelques Star Wars, et il est passé en freelance, il a bossé sur Guild Wars, Tomb Raider and the Temple of Osiris, vous savez, le petit jeu justement basé sur Tomb Raider. Et donc il a composé ce gros jeu quand même, mine de rien, Call of Duty World War II, et le morceau qu'on a écouté, alors ce qui est assez particulier dans mes recherches, c'est que ce main theme n'est pas vraiment le main theme, il apparaîtrait sur une version un peu limitée en fait de la BO, et c'était un des plus beaux morceaux, je trouvais. Ah bah il est super, autant, c'est vraiment hyper efficace. Hein. Ouais, j'ai trouvé ça vraiment très bon, il y a un côté un peu triste, je trouve, justement par rapport au côté un peu souffrance des soldats, etc., mais on a un côté vraiment thème de jeu puissant qui accompagne quand même cette composition, donc j'ai écouté quasiment toute la bande originale, parce que comme j'ai pas fait le jeu, c'est pas forcément la BO qui me passionnait le plus, mais en préparant l'émission, j'ai quasiment tout écouté, et ça se tient vraiment de bout en bout, et on a vraiment l'impression de découvrir un film de guerre assez, assez robuste. Je pense qu'on est quand même loin du Soldat Ryan, hein, faut être clair quand même, mais on est sur quelque chose de vraiment bien produit, bien composé, et qui accompagne, je pense, une belle aventure guerrière contre les nazis, quoi. Allez, on quitte le champ de bataille de la Seconde Guerre mondiale pour partir vers quelque chose d'un petit peu plus intergalactique. Thank you. Et oui, sur le sujet du jour, ça me semblait très difficile de ne pas glisser un petit morceau provenant de Halo dans la sélection. Alors du Halo, j'en ai déjà passé un petit peu, ce qui fait qu'évidemment, je n'allais pas repasser un morceau d'un épisode déjà diffusé. Il m'en restait pas mal sous le coude, j'ai pas mal hésité, mais c'est ce Halo Wars 2 que j'ai choisi de mettre en avant. Alors déjà parce que c'est un épisode récent, et puis qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que Creepers à passer des morceaux de jeux récents, hein. Non mais oh. Et puis surtout, il se trouve que je l'aime beaucoup, cette musique qui réussit à reprendre exactement les tonalités de Halo, et en particulier avec une belle unité avec l'OST de Halo 5, tout en trouvant sa propre personnalité, son propre rythme, donc ça fonctionne très très bien. C'est de la musique de... enfin c'est du haut niveau concernant Halo Wars 2, et du haut niveau pour un jeu qui lui-même s'avère être très cool. Alors bien sûr, on est beaucoup plus sur un marché de niche, hein, c'est du RTS relativement bourrin, faut bien reconnaître. Mais pour un jeu qui est soigné, c'est même assez surprenant avec une caméra éloignée de voir à quel point tous les mouvements des véhicules de Halo sont bien reproduits. On voit en tout petit sur l'écran des personnages qui bougent, on reconnaît immédiatement quel type de bonhomme c'est, quel ennemi ça peut être. Et l'histoire est également très intéressante dans Halo Wars 2, avec des cinématiques de toute beauté. Alors je dis ça juste en passant parce que je suis pas un ultra fan des cinématiques, mais il faut bien reconnaître que dans Halo Wars 2, elles ont un sacré niveau, quoi. On dirait pratiquement des courts-métrages, quoi. C'est vraiment très beau. Puis je dis ça sans y avoir joué sur One X, je l'ai pas refait depuis malgré un patch, je crois, qui améliore un peu l'ensemble. Voilà, je n'ai pas grand chose à ajouter, si ce n'est que vous avez apprécié un excellent morceau. Et on va maintenant pouvoir glisser vers le dernier morceau de cette émission, qui lui aussi va vous faire à coup sûr passer un excellent moment pour ce qui est peut-être le plus grand AAA sorti ces dernières années. Je tiens à signaler que je suis content puisque non seulement j'ai ouvert le bal de cette émission avec un plutôt chouette morceau, et je conclue cette émission avec, pour moi, l'apothéose, effectivement, du AAA moderne, puisque nous venons d'écouter un morceau de Zelda, Breath of the Wild, et c'était le morceau Rito Village, qui est, ma foi, vraiment de grande qualité, puisque Rhône a écrit sur le côté de notre fiche « J'aime beaucoup ». Voilà, hein, voilà, c'est un peu la jaquette, c'est l'arrière des jaquettes. C'est ça. Rhône, j'aime beaucoup. La citation. Voilà. La citation super argumentée. C'est avec deux petits guillemets sur les côtés. J'aime beaucoup, dit Rhône Kenobi. Voilà, donc nous sommes contents. Non, voilà, clairement, je pense qu'il a raison, Ron, en parlant vraiment d'un triple A important, puisque ça fait partie aussi des sagas qui ont réussi à se renouveler de manière inattendue, puisqu'on avait un petit peu l'habitude de voir les mécanismes Zelda, voilà, c'était un peu la redondance. On aime bien y jouer, mais au final on n'est plus vraiment surpris, et même certains sur tout ce qui était Wii étaient un petit peu lassants, et on voyait vraiment des tentatives un petit peu bizarres, mais... Quand Zelda Breath of the Wild est sorti sur donc vraiment le symbole de la Switch, même s'il est sorti sur Wii U, bah moi j'étais impressionné en fait, alors que je suis pas un grand fan d'Open World, on a déjà parlé pas mal dans l'émission, il y a des jeux qui m'ont quand même happé, des jeux comme Witcher 3, comme Red Dead Redemption, etc. Mais il y a une espèce de magie en fait dans Zelda qu'on retrouve pas forcément dans tous les jeux. Il y a une alchimie en fait sur tout ce qui se passe, c'est-à-dire qu'au niveau du gameplay, il y a une simplicité qui est complètement nintendonienne, j'ai envie de dire, parce que on n'est pas forcément pris par la main au début, mais on comprend tout. Et il y a beaucoup de jeux modernes maintenant qui ont tellement peur de nous perdre et de ne pas nous accrocher qu'ils nous abreuvent d'informations stupides et qu'au final, voilà, moi je finis par lâcher parce que j'en ai marre qu'on me prenne par la main. Rappelez-vous du Allison, justement, dans les Zelda de l'époque, qui pouvait un petit peu saouler parce qu'il nous aidait tout le temps. Là, il y a des jeux où on a des trucs qui clignotent dans tous les sens sur la map. Là, on n'a rien. C'est là où je voulais en venir quand je parlais tout à l'heure de Zero Horizon Dawn qui est sorti exactement en même temps. Et j'ai joué aux deux exactement en même temps, et tu en as un où quand tu te promènes dans la nature, on va te répéter toutes les 5 minutes, je dois aller sur le rocher. Voilà. Et tu as Zelda où on a le vent qui souffle sur la plaine, et c'est tout. Et tu vas, en fait, tu vas où tu veux. Et oui. C'est-à-dire que si tu vas aller sur le rocher, bah t'y vas. J'ai pas besoin de quelqu'un qui me dit va sur le rocher. Et l'avantage, c'est qu'en se baladant, en fait, tu t'appropries l'univers. Et chose que dans beaucoup de jeux maintenant on ne fait plus parce qu'en fait on oublie où on va. C'est-à-dire on se balade même plus, on prend même plus le temps de se balader, de profiter. Non, on va d'un objectif à un autre. C'est une conception qui est tout autre. Et alors moi je crois qu'on l'a déjà dit dans les émissions, je suis pas un gros fan de Zelda. Mm-hmm. Mais j'ai envie de dire, je m'en fous, on met ça de côté, que ce soit Zelda ou autre chose. Si ce jeu a eu ce tel impact, c'est déjà du fait de sa beauté. Il dégage une poésie il dégage une âme, encore une fois, ce que ne fait pas un gros titre comme Zero Dawn juste à côté, qui est techniquement solide, mais qui ne dégage pas une âme comme le fait Zelda. Et d'un point de vue conception, derrière son apparence, je pense que Zelda est un des jeux les plus adultes qui soit sorti. C'est pas un jeu pour gosses où on doit, comme tu le disais, être guidé à tout bout de champ. Et surtout, tu dis adulte, mais en fait, simplement, il nous prend pas pour des imbéciles. Voilà. Ouais. Et justement, un enfant peut s'amuser avec Zelda très rapidement. Il peut comprendre les mécanismes très facilement. Moi, il y a des choses que je ne supporte pas dans certains jeux où justement, ils te mettent plein de mécanismes pour t'occuper parce que voilà, même si c'est pas important, ils vont te saouler avec des mécanismes justement où tu peux, tes armes vont se casser ou justement la cuisine qui est hyper bien pensée dans Zelda, qui est hyper agréable à faire. Ils ont réussi à rendre la cueillette et la cuisine justement hyper fun parce que véritablement intégrée dans le gameplay et c'est jamais redondant ou jamais relou. Et c'est toute cette simplicité-là qui pourtant fait preuve, en fait, là, c'est là où tu vois que c'est hyper complexe derrière, mais au final, t'as un jeu qui est hyper simple à prendre en main, et où tu peux te perdre mais des heures et des heures et des heures, et découvrir énormément de choses, et être juste happé en te baladant, en te promenant avec ton cheval. Voilà, y a plein de petites choses un peu partout que tu découvres à ton rythme. Et à aucun moment le jeu t'impose un rythme en fait, donc tu peux vraiment faire ce que tu veux. Et voilà, pour moi c'est un vrai chef-d'œuvre. Il n'y en a pas des millions en fait des chefs-d'œuvre qui sortent, et c'est un jeu pour moi en état de grâce, c'est-à-dire que l'équipe est arrivée à combiner vraiment un ensemble de choses qu'on a peut-être déjà vu ailleurs, mais t'as pas l'impression en fait, à aucun moment t'as l'impression de refaire des choses que t'as déjà fait dans d'autres jeux. Et c'est un véritable tour de force sur ce Zelda Breath of the Wild. Et donc la musique en plus, composée par Manaka Kataoka, Yuzaki Iwata et Hajime Wakai, pareil, c'est d'une beauté, d'une simplicité touchante en fait. T'as des thèmes vraiment incroyables. Donc voilà, c'était Breath of the Wild pour clôturer cette émission sur les AAA. Il avait largement sa place dans l'émission parce que ça va être pour moi une date justement dans les jeux modernes, voilà, tout simplement. Eh ben écoute, Creeper, ça y est, on est arrivé au bout. Je crois qu'on a sorti quand même une bien jolie sélection, hein, globalement. On a critiqué 2-3 trucs, donc on attend les torrents de boue, on attend les félicitations, on attend un petit peu tout. On attend les anti Ready Player One. Voilà, n'hésitez pas à me dire que je suis un tocard et que c'est pas normal qu'à la fin ils disent qu'il faut arrêter de jouer pendant quelques minutes, il faut se reposer les yeux. Non, voilà, c'est. Moi, je suis content de cette émission parce qu'il y a vraiment des belles choses. On a pu parler de bons films, ce qui fait quand même plaisir. On a pu parler de très bons jeux, on a pu parler d'anciens jeux, de nouveaux jeux, de jeux péchus, de jeux nerveux, de jeux d'action, de jeux plus calmes. Donc c'était varié, on espère que ça vous a plu de toute façon et que vous allez partager en masse, ça nous ferait quand même plaisir. Quoi. Ouais, c'est vrai, ça nous ferait plaisir, surtout que là on est quoi ? On est au mois de mai, si je me trompe pas, on n'a plus qu'un rendez-vous ensemble le mois prochain avant d'attaquer les grandes vacances pour clôturer la saison. Alors aidez-nous à clôturer la saison en beauté, en retweetant, avec les petites étoiles sur iTunes qui vont bien, et comme ça on sera tous heureux et on vivra de paix et d'amour. À bientôt les amis ! Salut !